إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فنحمد الله تبارك وتعالى على ما من به علينا من هذا الاجتماع في هذا الشهر المبارك، شهر رمضان، كما نطلبه سبحانه وتعالى العون والتسديد، وأن يكون ما نلقيه نافعا لنا جميعا، وأن يكون ذلك حجة لنا ولا علينا، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أما بعد، nous louons notre Seigneur subhanahu wa ta'ala quant aux bienfaits qu'il nous a accordés. Parmi ces bienfaits, le fait de nous avoir permis de nous réunir dans ce mois béni de Ramadan. Cela pour étudier, pour tirer des enseignements de livres compilés par nos grands savants de l'islam, rahimahumullah. Et à travers cela, nous espérons entrer dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il nous dit « Quiconque emprunte un chemin à travers lequel il recherche une chance, Allah lui facilitera un chemin menant au paradis. » Et nous le demandons subhanahu wa ta'ala de par sa grâce de nous permettre de profiter de l'occasion qui s'offre à nous et de redoubler d'efforts dans tout acte menant à son agrément subhanahu wa ta'ala. Cela étant dit, le livre choisi pour ces assises du mois de Ramadan est un épître écrit par le noble cheikh Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di. L'auteur du livre, Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullah, est un des grands savants de cette communauté, un savant d'une grande renommée auprès des gens de science, un savant connu auprès des savants de son époque, et ce d'après lui, pour sa grande science, rahimahullah, connu aussi pour sa piété, son ascétisme, pour ses bons comportements, sa recherche de la science et son attachement aux preuves, rahimahullah. L'on compte parmi ses élèves les plus connus le noble cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, rahimahullah, qui est donc un parmi d'autres des élèves les plus connus de l'auteur du livre, rahimahumallah. Et l'auteur du livre que nous avons entre les mains est aussi l'auteur d'un grand nombre d'ouvrages, rahimahullah, et cela dans différentes sciences, comme la science du tafsir, l'exégèse du Coran, la science du hadith, la science du fiqh, la jurisprudence, la science des fondements de la jurisprudence, usul al-fiqh et autres. Et l'on compte parmi ses ouvrages les plus connus son exégèse du Coran, son explication des sens du Coran, connu sous le nom de Taysir al-Karim al-Rahman fi tafsir kalam al-Mannan, et aussi connu sous le nom de Tafsir al-Sa'di, donc l'exégèse de l'imam al-Sa'di, rahimahullah. Et donc, le nom de notre intitulé, que nous allons étudier, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala, duquel nous allons tirer certaines règles et certains passages, est les belles règles concernant l'exégèse du Coran. Les belles règles concernant l'exégèse du Coran. Al-qawa'id al-hisan al-muta'alliqatu bi-tafsir al-Quran. Donc, comme on le voit clairement à travers le nom donné à ce livre, le sujet duquel il traitera n'est autre que l'exégèse du Coran, donc l'explication des sens du Coran, et les moyens pour y parvenir de la meilleure des manières. Avant de commencer, nous nous rappelons de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il nous dit d'après les sens du verset. Le mois de Ramadan dans lequel fut descendu le Coran comme guidé pour les gens. Donc, il n'y a aucun doute que l'un des meilleurs moyens à travers lesquels le serviteur peut se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce mois de Ramadan est dans le fait de donner une importance particulière au Coran al-Karim qui fut descendu pendant le mois de Ramadan comme guidé pour les gens. Et cela à travers plusieurs points. C'est-à-dire que le musulman, le croyant, donne une importance particulière pendant le mois de Ramadan au Coran à travers plusieurs points. Premièrement, à travers sa lecture. Comme il a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam de manière authentique, que Jibril venait lui exposer le Coran deux fois pendant le mois de Ramadan. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aussi à ce sujet, « Quiconque lit une lettre du Coran aura une récompense. » Et il nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, « Je ne dis pas que Alif Lam Mim est une lettre, mais Alif est une lettre, Lam est une lettre et Mim est une lettre. » Et il nous dit aussi, sallallahu alayhi wa sallam, « Une récompense équivaut à 10 récompenses. » Quant à la deuxième des manières de donner une importance particulière au Coran pendant le mois de Ramadan, elle est dans le fait de méditer sur ses sens et de réfléchir sur ses versets. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit à ce sujet, « Ne médite-t-il donc pas le Coran ou est-ce que des cœurs ont sur eux leur propre cadenas ?» Quant au troisième des points à travers lequel le croyant donne une importance particulière au Coran pendant le mois de Ramadan, il est dans le fait d'accourir à accomplir ses ordres et à délaisser ses interdits. Et donc, l'épître que nous avons entre les mains traitera en premier lieu du deuxième point, c'est-à-dire de la méditation et la compréhension des sens du Coran, et par la suite, la mise en pratique de cela. Cela à travers des règles citées par l'auteur, rahimahullah, qui permettront au lecteur d'avoir des fondements lui permettant d'être sûr de l'authenticité du tafsir, donc de l'explication des sens du Coran qu'il pourra entendre. Donc avec ces règles, le lecteur aura avec lui, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala, des bases lui permettant d'être sûr, premièrement, de l'authenticité du tafsir qu'il entendra, deuxièmement, de savoir le chemin qui a été emprunté par les savants du tafsir lorsqu'ils donnent une explication quelconque pour un verset quelconque. Cela car il faut savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le Coran comme guidé pour tous les gens, comme cité dans le verset précédent. Hudan linnas, comme guidé pour les gens. Mais subhanahu wa ta'ala, il n'a pas laissé la compréhension des sens du verset reposer sur la seule raison des créatures. C'est-à-dire qu'il n'a pas laissé à chacun le droit d'expliquer le Coran selon sa seule raison ou bien selon sa seule compréhension. Car si jamais ça aurait été le cas, il y aurait certainement eu beaucoup de divergences dans l'explication des sens du Coran. C'est pour cela qu'il est important au lecteur d'avoir avec lui des bases, lui permettant de cheminer de manière correcte, et de savoir quel est le chemin correct à emprunter pour pouvoir comprendre l'essence du Coran et être sûr de ce qui a été dit quant au sens donné pour un verset en particulier. Des règles que l'auteur va nous citer ici, rahimahullah, et qui sont citées par les savants du tafsir, de l'exégèse, des règles tirées premièrement de la manière d'agir du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Deuxièmement, de la manière qu'avaient d'agir les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et par la suite, tirées de la langue arabe, la langue dans laquelle le Coran fut descendu. Donc, le profit qu'aura le lecteur à travers l'apprentissage de ces règles est que cela lui permettra d'être sûr de l'authenticité du tafsir donc de l'explication des sens du Coran, qu'il pourra entendre ou lire, bi'idhnillah. À ce sujet, le noble savant de l'islam, Ibn Taymiyyah rahimahullah, a dit: la personne doit avoir avec lui des fondements et des règles vers lesquelles il renvoie les points particuliers pour qu'il puisse parler avec science et équité. Sinon, il sera constamment dans du mensonge et de l'ignorance dans les cas particuliers, et dans de l'injustice et de l'ignorance quant aux règles générales. Donc il doit avoir avec lui des règles vers lesquelles il doit revenir pour expliquer les cas particuliers, des règles générales, des fondements. Et c'est pour cela qu'il a été rapporté que le noble compagnon Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu a dit: quel ciel me recouvrira et quelle terre me portera si je parle sur le livre d'Allah en me reposant sur ma seule raison? C'est-à-dire qu'il n'est pas permis, il n'est permis à personne d'expliquer le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala en se basant sur sa seule raison ou sa seule compréhension. Mais il doit se baser obligatoirement sur des fondements et des règles religieuses, ce qui est le sujet duquel traitera le livre que nous avons entre les mains, bi'idhnillah tabaraka wa ta'ala. Donc, cela étant dit, nous commençons par l'introduction faite par l'auteur, qu'Allah le fasse miséricorde, qui nous dit: toutes les louanges appartiennent à Allah, nous le louons, lui demandons aide et pardon, et venons à lui repentant. Et nous lui demandons protection contre les maux de nos âmes et contre nos mauvaises actions. Quiconque Allah guide, nul ne peut l'égarer. Et celui qui l'égare, nul ne peut le guider. Et j'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah, seul et sans associé. Et j'atteste que Mohammed est son serviteur et messager, que les éloges d'Allah et la paix soient sur lui, ainsi que sa famille et ses compagnons. Cela étant dit, voici des règles et fondements concernant l'explication du noble Coran. Des règles d'une grande importance et d'un immense profit. Des règles qui permettront à leur lecteur et à celui qui les médite de comprendre la parole d'Allah et d'être guidé par celle-ci. Des règles qui ont une réalité plus immense que les caractéristiques qui leur ont été données. Ici, l'auteur, rahimahullah, nous fait des éloges quant aux règles qu'il a compilées, en nous disant, rahimahullah, des règles qui ont une réalité plus immense que les caractéristiques qui leur ont été données. Le noble cher Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, rahimahullah, nous dit, quant au propos de l'auteur ici: quant aux éloges qu'il a fait à son livre, alors cela n'est pas étrange. Car lorsque les gens de science font des éloges à leurs épîtres, ils n'ont pas pour but à travers cela de se vanter ou se glorifier. Mais leur seul but dans cela est d'inciter les gens à lire ces livres et d'y prêter attention pour qu'ils puissent en profiter. Et à ce sujet, Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu disait: si je connaissais une personne que l'on peut atteindre à chameau, qui est plus savante que moi quant au livre d'Allah, alors j'aurais voyagé vers elle. Et donc, à travers cela, Abdullah ibn Mas'ud n'a pas comme intention de se faire des éloges, mais son but ici est d'inciter les gens et de les encourager à apprendre ce qu'il a comme science et à s'accrocher à l'étude de la science. Comme l'auteur ici veut inciter les gens et les encourager à profiter de ce livre, nous demandons donc à Allah subhanahu wa ta'ala de lui accorder cela et de multiplier ses récompenses. Fin de citation de la parole du cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin. Ensuite, l'auteur nous dit: et donc, ces règles ouvrent aux serviteurs des chemins menant à l'explication du Coran et une méthodologie lui permettant de comprendre ce qui est voulu par la parole d'Allah, ce qui lui permettra de comprendre beaucoup d'explications de versets qui seront cités. Et sache que le tafsir est la plus noble de toutes les sciences, la meilleure, la plus obligatoire et la plus aimée d'Allah. Car Allah a ordonné de méditer son livre. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné les serviteurs de méditer sur le livre qu'il a fait descendre sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah azza wa jalla nous dit, d'après l'essence du verset: un livre que nous avons fait descendre, béni pour que les gens méditent sur ces versets et pour que se rappellent les gens doués d'intelligence. Ensuite, il nous dit, rahimahullah, et Allah a ordonné de réfléchir sur ses sens et de rechercher la guider à travers lui. Et il a fait des éloges à ceux qui accomplissent cela, c'est-à-dire ceux qui méditent, réfléchissent et cherchent la guider dans le Coran al-Karim. Et Allah les a mis dans les plus hauts rangs et leur a promis les meilleurs dons. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit à ce sujet, d'après l'essence du verset, « Certes, ce Coran guide vers ce qu'il y a de plus juste, de plus élevé, et il annonce à ceux qui croient et accomplissent des œuvres pieuses qu'ils auront droit à une énorme récompense. » Et si le serviteur dépensait l'essentiel de son temps dans cette science, alors cela ne serait pas considéré comme beaucoup, à côté de ce qui est la meilleure des choses recherchées, le meilleur des buts, la base de tout fondement, la base de la religion, la base sur laquelle repose la réforme de toutes les affaires de ce bas monde et de l'au-delà. Donc, ici, l'auteur, rahimahullah, commence par nous faire part de l'importance et de l'immense mérite qu'a la science du tafsir, le fait d'apprendre l'essence du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous dit que cela est la meilleure des sciences, la plus obligatoire et la plus aimée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela car comme il a été dit, la valeur d'une science est en fonction de ce qui est appris dans celle-ci. La valeur d'une science est en fonction de ce qui est appris dans celle-ci. Et ce qui est appris ici est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est la plus noble, la plus juste, la plus parfaite des paroles. Il n'y a donc aucun doute que cela est la meilleure des sciences. La meilleure des sciences dans laquelle le temps et les efforts peuvent être dépensés. Comme l'auteur nous dit, et si la personne dépensait l'essentiel et le meilleur de son temps dans cette science, alors cela ne serait pas compté comme beaucoup, à côté de ce qui est la meilleure des choses recherchées et le meilleur des buts sur lesquels reposent les réformes de ce bas monde et de l'au-delà. Cela donc est un bienfait immense qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde à qui il veut, le fait de passer son temps et de donner une importance particulière à la compréhension des sens de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, l'auteur commence par nous citer la première des règles en nous disant Al-qa'idatul ula fi kayfiyati talaqqi at-tafsir. La première des règles concerne la manière de recevoir et d'étudier l'essence du Coran. Toute personne qui emprunte un chemin ou accomplit une œuvre quelconque, en utilisant par cela le chemin correct, obtiendra son but. Comme Allah nous dit, d'après l'essence du verset, et entrer les maisons de par leurs portes. C'est-à-dire en utilisant le moyen le plus proche et le plus simple permettant d'atteindre le but souhaité. Et plus la chose demandée est recherchée, est noble, et plus il incombe de chercher le meilleur moyen permettant d'y accéder. Et il n'y a aucun doute que le sujet duquel nous traitons est la chose la plus importante et la plus noble. Et sache qu'Allah a fait descendre ce noble Coran comme guidé pour toutes les créatures, et qu'il invite en tout temps et en toute période à accomplir ce qu'il y a de plus juste et de meilleur dans toutes les affaires. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit d'après le sens du verset. Certes, ce Coran guide vers ce qu'il y a de plus juste. Ensuite, il nous dit, rahimahullah, il incombe donc aux gens d'apprendre et de recevoir l'essence de la parole d'Allah de la manière que faisaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, as-sahaba. Et certes, ils ne dépassaient pas 10 versets, ou plus, ou moins, jusqu'à ce qu'ils aient connu ce qu'ils contiennent comme foi, science et œuvre. Et par la suite, ils appliquaient cela sur leur vie quotidienne. Donc, ils croyaient en ce que contient le Coran comme information, se soumettaient aux ordres qu'il contient, et délaissaient les interdits qu'il contient. Et il faisait entrer dans ces versets toute situation qu'il pouvait apercevoir, les concernant ou concernant autrui. Et il se demandait des comptes quant à la pratique ou non de ce que contient le Coran. En faisant cela, ils ont donc été guidés par les sciences que contient le Coran. Ils ont pu adopter les comportements auxquels il appelle. Et ils ont su que cela était la parole provenant du connaisseur du perceptible et de l'imperceptible, dirigée vers eux. Et qui leur est demandé de connaître ses sens et d'œuvrer en fonction de ceux-ci. Et quiconque emprunte le chemin qu'ils ont emprunté, tout en faisant des efforts dans la méditation de la parole d'Allah, alors il lui sera ouvert la plus immense porte menant à la science du tafsir, et sa connaissance augmentera, ainsi que sa clairvoyance. Donc, ici, l'auteur nous cite, rahimahullah, le chemin et la méthodologie que le musulman doit emprunter pour pouvoir profiter de la guider du Coran, augmenter sa connaissance et sa clairvoyance. Cela en nous citant la manière et la méthodologie que les sahaba, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avaient dans l'apprentissage du tafsir. Cette méthodologie, qui est la meilleure des méthodologies, consistait en ce qu'ils lisaient 10 versets, ou plus, ou moins, et ne le dépassaient pas, jusqu'à ce qu'ils aient appris ce que contiennent ces versets comme foi et comme science. Ils ont donc appris le Coran et la foi en même temps. Donc, cette méthodologie qu'avaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que l'auteur nous cite ici, et qu'ils ne dépassaient pas 10 versets, ou plus, ou moins, sans avoir appris ce que ces versets contiennent comme science et comme foi. Ils ont donc appris le Coran et la foi et la science en même temps. Cela comme il a été rapporté d'après l'imam al-Tabari, rahimahullah, dans son tafsir, qui nous dit, d'après Abu Abdurrahman al-Sulami, qui a dit, ceux qui nous apprenaient le Coran, parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme Uthman ibn Affan et Abdullah ibn Mas'udin, radiallahu anhuma, nous ont informé que lorsqu'ils apprenaient du prophète sallallahu alayhi wa sallam 10 versets, alors ils ne les dépassaient pas, jusqu'à ce qu'ils aient appris ce qu'ils contiennent comme foi et comme œuvre. Donc voici la méthodologie qu'avaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam quant à l'apprentissage du tafsir des sens du Coran. Donc, à travers cela, nous tirons plusieurs points. Premièrement, la méthodologie correcte à emprunter dans l'apprentissage du tafsir, qui est celle citée précédemment, celle des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Deuxièmement, nous voyons à travers cela l'importance que donnaient les sahaba quant à l'apprentissage du tafsir, quant à l'apprentissage des sens de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que leur but n'était pas seulement l'apprentissage par cœur du Coran, mais avec cela, l'apprentissage des sens que contient le Coran. Car si leur but était seulement l'apprentissage du Coran, sans en comprendre les sens, alors certes, ils avaient les meilleurs des mémoires, mais avec cela, ils ne dépassaient pas 10 versets, jusqu'à ce qu'ils aient appris ce qu'ils contiennent comme science et comme foi. C'est pour cela qu'il a été rapporté de Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, qu'il est resté à apprendre surat al-Baqarah pendant 4 années. Cela vient confirmer et montrer qu'ils œuvraient avec cette méthodologie. On ne dépasse pas 10 versets, ou plus ou moins, sans apprendre ce qu'ils contiennent comme science et comme œuvre. Et c'est pour cela que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient connus pour avoir une grande science et une grande compréhension quant à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que leur but n'était pas seulement la lecture du Coran ou l'apprentissage du Coran sans donner d'importance au sens qu'il contient. À ce sujet, le noble cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah nous dit, c'est pour cela que lorsque l'un d'entre eux, donc des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avait appris surat al-Baqarah et surat al-Imran, alors ils devenaient immenses et respectables à leurs yeux. Car ils ne lisaient pas de la manière dont nous lisons nous, des simples mots que nous faisons glisser sur nos langues et qui des fois n'atteignent pas nos cœurs. Mais ils lisaient avec méditation, rappel et exhortation. Fin de citation de la parole du cheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah. Et l'imam ibn al-Qayyim rahimahullah nous dit, les vrais proches et alliés d'Allah ne sont pas ceux qui simplement lisent le Coran avec précipitation, mais les vrais proches et alliés d'Allah sont ceux qui le lisent avec méditation, compréhension, et cela même s'ils ne l'ont pas appris par cœur. Et si la personne réunit entre l'apprentissage du Coran et la méditation de ses sens, il n'y a pas de doute que cela est meilleur. Donc, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam donnaient une très grande importance quant au tafsir, quant à l'explication des sens de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela que leurs paroles sont aussi reconnues dans la science du tafsir. C'est-à-dire que les savants du tafsir, de l'exégèse du Coran, se basent pour l'explication des sens du verset, après s'être basés sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala elle-même, puis sur la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vient en troisième position le fait de se baser sur les paroles des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et vient après cela, en quatrième position, ou cinquième position, le fait de se baser sur l'essence de la langue arabe. Donc, les savants du tafsir se basent en troisième position sur les propos donnés par les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam quant à l'explication des sens du Coran. Cela car, comme cité précédemment, ils donnaient une grande importance quant à l'explication des sens du Coran. Parmi les points aussi qui font que les propos des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont mis en avant, comme nous le citent les gens de science, rahimahoullah, il y a le fait qu'ils ont assisté à la révélation, qu'ils ont été présents lorsque les versets du Coran furent descendus sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ils sont plus amènes à comprendre ce qui est voulu par la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, car ils ont vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et assisté aux différentes périodes de sa vie sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ont pu comprendre et voir la manière dont a appliqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam ces versets. Troisièmement, il est le fait que le Coran fut descendu en leur langue, la langue arabe, et qu'ils ont la meilleure des compréhensions de celle-ci. Quatrième point, leurs bonnes intentions et leurs bonnes compréhensions. Car ils sont, radiallahu anhum, après les prophètes, ceux qui sont les plus véridiques dans la recherche de la vérité. Ceux qui ont les cœurs les plus préservés des passions ou des viances, qui empêchent la personne d'avoir une bonne compréhension de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et à ce sujet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, les meilleurs des gens sont ceux de ma génération, puis celle qui suit, puis celle qui suit. Quant au cinquième des points, il est le fait qu'ils ont vécu à une époque préservée de toute innovation. Donc, ce sur quoi ils étaient, était le vrai, sans aucun doute. Radiallahu anhum. Donc, le Coran est expliqué par le Coran en premier lieu. Deuxièmement, par la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Troisièmement, par les propos des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et vient ensuite, après les paroles des tabi'in, le fait d'expliquer le Coran par l'essence de la langue arabe. Et nous continuons par le fait de citer un athar, un récit, venant confirmer les dires de l'auteur et venant montrer que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam avaient une grande science et donnaient une grande importance quant à la compréhension des sens du Coran. Ce athar a été rapporté par Masruq, rahimahullah, qui fait partie des tabi'in, donc ceux qui sont venus après la génération des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc des personnes qui ont vécu et qui ont côtoyé certains des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans avoir côtoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous dit « Je suis resté avec les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et je les ai trouvés comme des étangs. » Des étangs qui peuvent abreuver une personne, certains d'eux, deux personnes, certains d'eux, 10 personnes, certains peuvent abreuver 100 personnes, et certains étangs, si auprès duquel venait s'abreuver toute la terre, alors ils auraient été rassasiés. Et parmi ceux-là, il y a Abdullah ibn Mas'udin. Donc, ce récit nous montre la grande science qu'avaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam quant à la science du tafsir. Et en particulier, les grands savants comme Abdullah ibn Mas'udin ou Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu et autres qui sont connus pour leur grande science quant à l'explication des sens du Coran. Après cela, après que l'auteur rahimahullah nous ait cité la méthodologie des sahaba, des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam quant à l'apprentissage du tafsir, c'est-à-dire qu'ils ne dépassaient pas 10 versets, ou plus ou moins, sans avoir appris ce qu'ils contiennent comme foi et comme science. Après cela, l'auteur nous cite une autre des manières qu'avaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam contre au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une autre des manières avec laquelle ils se comportaient contre au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela en nous disant, rahimahullah, ils appliquaient donc les versets du Coran à leur vie quotidienne. Ils croyaient en ce que contient le Coran, se soumettaient à ses ordres, délaissait ses interdits et se demandait des comptes quant à la pratique ou non de ce qu'il contient. Jusqu'à sa parole, et il savait que cela est une parole provenant du connaisseur du perceptible et de l'imperceptible, dirigée vers eux, et qu'il leur était demandé de connaître ses sens et d'œuvrer avec ceux-ci. Donc l'auteur nous cite, rahimahullah, que la méthodologie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir compris les sens qu'il contient, était de pratiquer cela sur leur vie quotidienne. Et de se demander des comptes quant à la pratique ou non de ce que contient l'essence. Donc de se sentir visé directement par la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et ne pas penser que ses propos sont dirigés vers autre. Nous allons donc citer, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala, deux exemples, parmi d'autres, qui viennent confirmer les dires de l'auteur, rahimahullah, quant au fait que les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, une fois avoir compris l'essence de la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, appliquaient cela à leur vie quotidienne, et qu'ils se sentaient directement concernés par ce que le Coran contient, et qu'ils se demandaient des comptes quant à ceci, quant au fait de pratiquer ou non ce que contient le Coran al-Karim. Quant au premier exemple, il est celui du noble compagnon Thabit ibn Qaysin radiallahu anhu. L'imam muslim rahimahullah rapporte dans son authentique, d'après Anas ibn Malik, qui a dit « Lorsque la parole d'Allah, d'après l'essence du verset, « Ô vous qui avez cru, n'élevez pas vos voix au-dessus de celles du prophète et ne haussez pas le ton en lui parlant comme vous le haussez les uns envers les autres, de peur que vos œuvres deviennent vaines sans que vous ne vous en rendez compte. » Il nous dit, radiallahu anhu, lorsque ce verset fut descendu, Thabit ibn Qais est alors resté chez lui, sans sortir et sans venir voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc demandé à Sa'd ibn Mu'adh, qui était le voisin de Thabit ibn Qais. Il lui a dit, « Ô Aba Imran !» Il lui a dit, « Ô Aba Amrin !» Dans quel état est Thabit ibn Qais ? Est-il malade ? Et Sa'd de répondre, « Certes, il est mon voisin et je n'ai pas connaissance qu'il soit malade. » Après cela, Sa'd ibn Mu'adh est donc venu voir Thabit ibn Qais et lui a rapporté les propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam à son sujet. Et Thabit ibn Qais de répondre, « Ce verset est descendu. » Donc le verset cité précédemment. « Ô vous qui avez cru, n'élevez pas vos voix au-dessus de celle du prophète et ne haussez pas le ton sur lui comme vous le haussez les uns envers les autres, de peur que vos œuvres ne deviennent vaines sans que vous ne vous en rendez compte. » Donc il dit, radiallahu anhu, « Ce verset est descendu. Et vous savez tous très bien que je suis une des personnes qui élève le plus la voix sur le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Je fais donc partie des gens de l'enfer. » Sa'd ibn Mu'adh, radiallahu anhu, a alors rapporté cela au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui a répondu, sallallahu alayhi wa sallam, « Non, mais il fait bel et bien partie des gens du paradis. » Quant au deuxième exemple, il est celui du noble compagnon, Abu Talhata radiallahu anhu. Al-Imam al-Bukhari wa Muslim rapportent dans leurs authentiques, d'après Anas ibn Malik radiallahu anhu, qui a dit « Lorsque la parole d'Allah, d'après l'essence du verset, vous n'atteindrez la vraie piété, la vraie bienfaisance, que lorsque vous dépenserez de ce que vous chérissez. » Il nous dit, radiallahu anhu, lorsque ce verset fut descendu, Abu Talha, qui faisait partie des plus riches parmi les Ansar, Abu Talha est venu voir le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, en lui disant, « Ô messager d'Allah, Allah a dit, vous n'atteindrez la véritable piété que lorsque vous dépenserez de ce que vous chérissez, c'est-à-dire de ce que vous aimez comme bien. Et certes, le bien le plus aimé que je possède est Bayraha. Bayraha est le nom donné à un jardin qu'il possédait, radiallahu anhu. Un jardin dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam venait boire de sa bonne eau. Il dit, radiallahu anhu, je l'offre donc en aumône pour Allah, en espérant sa récompense auprès de lui. Et au prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui répondre, Bakhin, Bakhin. Bakhin, Bakhin est un mot que l'on répète lorsque l'on est agréé d'une personne, ou bien que l'on veut lui faire des éloges. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu, Bakhin, Bakhin. Voici un bien lucratif, voici un bien lucratif, voici un bien gagnant. J'ai certes entendu et je vois que la meilleure des choses à faire est que tu en fasses aumône à tes proches. Et Abu Talha radiallahu anhu de répondre, je le ferai au messager d'Allah. Et il a donc radiallahu anhu partagé ce bien-là entre ses proches. Donc on voit clairement à travers ces deux exemples ce qui vient confirmer les propos de l'auteur rahimahullah. Lorsqu'il nous dit que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam appliquaient le Coran à leur vie quotidienne et se demandaient des comptes quant à la pratique ou non de ce qu'il contient. Et cela aussi vient confirmer la parole du noble cher Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen lorsqu'il nous dit en commentaire que c'est pour cela que lorsque l'un d'entre eux avait appris surat al-Baqara ou Ali Imran, alors il devenait immense à leurs yeux et il devenait une personne respectable. Car il mettait en avant la compréhension des sens du Coran et par la suite la pratique de ce qu'il contient. Et ensuite, l'auteur rahimahullah conclut cette première règle en nous disant « Et quiconque emprunte le chemin qu'ils ont emprunté, tout en faisant des efforts dans la méditation de la parole d'Allah, alors il lui sera ouvert la plus immense porte menant à la science du tafsir. Sa connaissance augmentera ainsi que sa clairvoyance, en particulier s'il prend une bonne part d'apprentissage de la langue arabe et qu'il donne de l'importance à l'étude de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. » Car cela sera pour lui la meilleure des aides permettant d'atteindre ce but. Donc ici, l'auteur rahimahullah nous montre l'importance de l'apprentissage de la langue arabe. Cela car certes le Coran fut descendu en langue arabe. Et il nous montre aussi l'importance de l'apprentissage de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car certes le Coran fut descendu sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il puisse expliquer ses sens aux serviteurs. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit d'après les sens du verset. Et nous avons fait descendre sur toi le rappel pour que tu puisses expliquer aux gens ce qui a été descendu sur eux. Donc le Coran fut descendu sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'explique le détail de par sa sunna sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite l'auteur nous dit, rahimahullah, et une fois que le serviteur a compris que le Coran contient l'explication de toutes choses et qu'il incite à tout profit et intérêt pour le serviteur, comme il met en garde contre toute chose pouvant le nuire, et que le serviteur met en pratique cette règle sur chacun des moments de sa vie, alors il verra son immense impact et ses énormes fruits et mérites. Donc nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire partie de ceux qui écoutent la parole et qui en tirent le meilleur des profits, comme nous le demandons subhanahu wa ta'ala de nous assister dans l'étude de cet épître et la mise en pratique de ce qu'il contient. وسبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم